Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans votre case du week-end, la matinale week-end de Radio Antigone. Pour ceux qui font la grasse matinée, comme chaque week-end, nous allons passer 2 heures ensemble jusqu'à midi afin de passer un bon début de journée. Il y aura bien sûr de la musique, que dis-je, de la très bonne musique. Je vous en reparle dans 10 minutes, mais sachez que nous débuterons avec The Police et le titre Message in a Bottle, comme je vous l'ai promis dimanche dernier. Au programme également des chroniques, les actus du numérique vont nous faire découvrir un data center sous-marin. Les actus du média seront consacrées aux prochaines séries Netflix. Et puis dans un peu plus de 20 minutes, dans Aujourd'hui l'économie, notre premier sujet économique sera le chômage aux États-Unis. Beau programme donc, comme chaque week-end, qui commence dès maintenant, car il est 10h. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. Et comme chaque jour à cette heure-là, que faisons-nous ? Un gros point sur l'actualité avec le radio-journal de 12 minutes de nos partenaires RFI. À la une, qui pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême américaine? Après la mort de la juge, Donald Trump veut vite nommer sa remplaçante, tandis que les démocrates s'inquiètent de voir l'institution accaparée par les conservateurs. La répression continue en Biélorussie. Des centaines de personnes ont été arrêtées hier lors d'une manifestation féminine à Minsk, mais cela ne suffit pas à décourager les contestataires. L'inquiétude au Mali face à un possible durcissement de l'embargo de la CEDEAO. La junte jusqu'à mardi pour désigner un président civil au risque de voir les sanctions s'aggraver. Et puis le Tour de France touche à sa fin, dernière étape aujourd'hui jusqu'aux Champs-Élysées à Paris. Ce n'est pas vraiment une surprise. Donald Trump veut agir vite pour nommer le successeur de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Le président américain a assuré hier, moins de 24 heures après la mort de la magistrate, qu'il proposerait un nom dès la semaine prochaine et qu'il s'agirait probablement d'une femme. Le vote du Sénat n'est pas encore acquis, mais les candidats sont déjà connus. Donald Trump va faire son choix au sein d'une liste déjà publiée par la Maison Blanche et mise à jour il y a une dizaine de jours à peine, Vincent Souriau. Sur ces 45 profils, on compte une douzaine de femmes, toutes étiquetées à droite. D'après la presse américaine, il y a une favorite, elle s'appelle Amy Coney Barrett, elle a 48 ans, elle travaille à Chicago en tant que juge fédéral, promue à ce poste par Donald Trump il y a 3 ans. Elle a la particularité d'avoir secondé le magistrat Antonin Scalia, ancien membre de la Cour suprême et catholique traditionnaliste. Il y a aussi l'avocate Britt Grant, diplômée de Stanford, passée par la Maison Blanche sous George Bush Jr. Elle exerce depuis 2018 à la Cour d'appel fédérale d'Atlanta aux côtés d'une autre candidate potentielle, Barbara Lagoa, qui fut en son temps la première femme d'origine hispanique nommée à la Cour suprême de Floride. Impossible à ce stade de dire qui l'emportera, mais une chose est certaine, si Donald Trump parvient à obtenir le vote du Sénat avant la présidentielle, l'équilibre de la Cour suprême sera profondément modifié avec un total de 6 juges conservateurs contre 3 progressistes. À l'international, les États-Unis défient le Conseil de sécurité de l'ONU au dernier jour de leur procédure dite de snapback concernant l'embargo sur les armes en Iran. Hier soir, le chef de la diplomatie américaine a affirmé que les sanctions onusiennes contre l'Iran étaient à nouveau en vigueur, alors pourtant que la plupart des alliés européens des États-Unis ont voté contre la poursuite des sanctions fin août. Qu'à cela ne tienne, Mike Pompeo a promis que des mesures seraient prises contre les pays qui les violent. Vers une nouvelle mobilisation d'ampleur en Biélorussie ce dimanche, comme chaque dimanche depuis le 9 août dernier, la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. Hier déjà, des femmes ont manifesté à Minsk, la capitale, manifestation marquée par l'arrestation de centaines de personnes par les forces anti-émeutes. Le journaliste franco-biélorusse Andrei Vaitovitch a assisté à certaines de ces arrestations. Selon lui, elles n'entament pas la détermination des manifestantes, la répression à Minsk attise de la colère. Comme tous les samedis depuis un mois, les femmes de tout âge se rassemblent pour dire non à la violence policière contre les manifestants pacifiques. Et là, on voit que malgré la pression et les représailles, les femmes continuent à sortir chaque samedi. C'est extraordinaire. J'ai parlé avec les manifestantes qui disaient « Bien sûr, on a peur, mais on n'a pas d'autre choix ». On ne peut pas accepter cette violence, on ne peut pas accepter les arrestations tous les jours, on ne peut pas lâcher facilement notre combat, parce que leur combat, ils disent, c'est d'obtenir la nouvelle élection, d'obtenir la libération de tous les prisonniers politiques. Elles disent, voilà, on va continuer, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est notre pays, on veut rester ici, et pour que on puisse obtenir un futur meilleur pour nos enfants, il faut qu'on soit là un mois et demi après l'élection. Un propos recueilli par Marie Normand. Ce dimanche, c'est jour de vote en Italie pour élire des administrations locales et régionales, et c'est surtout le moment de désigner les nouveaux gouverneurs des 6 grandes régions italiennes. Scrutin qui fait office de test pour juger la solidité de la coalition 5 étoiles Parti démocrate au gouvernement et de l'avancée de la Ligue de Matteo Salvini. À Rome, Anne Treca. C'est bien un rapport de force pour l'avenir qui se jouera lundi soir avec la proclamation des résultats. Le centre-gauche tient actuellement 4 des 6 régions appelées aux urnes. Le centre-droit, seulement 2. Et à en croire les sondages, la coalition menée par la Ligue pourrait bien gagner du terrain. Le premier parti du pays, aujourd'hui dans l'opposition, lorgne en particulier un bastion symbolique de la gauche, la Toscane, région centrale, prospère, historiquement rouge, moins touchée que le Nord par la pandémie du Covid et pourtant prête à basculer dans le camp des souverainistes anti-européens ralliés à Matteo Salvini. Les deux candidats y sont au coude à coude. Si la mouvance de droite l'emporte en Toscane, ce serait un tremblement de terre dans le camp démocrate. L'autre test se joue à l'intérieur même de cette ligue, en Vénétie. Là, Salvini est en compétition avec le gouverneur régional Vénète, plus pragmatique, consensuel et moins xénophobe que l'ancien ministre de l'Intérieur. S'il est battu par l'homme en place, Salvini sait qu'il n'échappera pas à un règlement de compte au sein de la famille léguiste. Anne Treca, Rome, RFI. Et puis ce dimanche, les Italiens vont aussi devoir dire par référendum s'ils veulent réduire ou non d'un tiers le nombre de leurs parlementaires. Au Mali, la CEDEAO menace de durcir son embargo si la junte qui a pris le pouvoir le 18 août ne nomme pas d'ici mardi un président et un premier ministre civil. Une perspective redoutée notamment par les commerçants maliens qui importent des produits de Côte d'Ivoire. Le reportage de Florence Maurice au marché d'Ossolo Traoré à Bamako. Voilà, tout ça c'est gâté, c'est à jeter. Sédou Diakité, contrôleur qualité au marché d'Ossolo Traoré, se désole devant une cargaison d'oranges importées en train de pourrir au pied d'un camion. C'est honteux de voir même ça sur le marché. À cause de l'embargo, les marchandises qui transitent par la Côte d'Ivoire mettent 3 fois plus de temps que d'habitude pour arriver, tellement abîmées que certains jours elles ne sont même plus déchargées. À chaque 20 ou 40 kilomètres, il y a des postes de contrôle. Les marchandises sont gâtées sur la route. On en a marre. On souffre avec cet embargo. Kadja Sylvie, vendeuse dans une travée voisine, a beau casser les prix. Elle a du mal à écouler cette marchandise à peine arrivée et déjà avariée. Les clients font le tri, ils achètent les oranges pas trop abîmées et les autres je n'ai plus qu'à les jeter. Pour essayer de m'en sortir, je vends les 3 oranges à 50 francs au lieu de 100 francs d'habitude. Autre défi pour les importateurs, payer les fournisseurs. Mamadou Diallo, secrétaire exécutif d'une association de grossistes. Si nous voulons envoyer de l'argent, par exemple, à Daloa, c'est la région bananière de la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Donc souvent, nous sommes bloqués. C'est très, très difficile. Donc on prend le risque pour envoyer de l'argent avec les chauffeurs. Vous êtes obligé de convoyer de l'argent par voiture. Par voiture. Ça, c'est très risqué. En fait, il y a le coupeur de route. On est attaqué sur la route. Ici, chacun espère une levée rapide de l'embargo, dont les premières victimes, disent-ils, ne seront ni les hommes politiques, ni les militaires, mais la population malienne. Florence Maurice, Bamako, RFI. Au Chili, c'est la célébration la plus importante de l'année avec Noël et le jour de l'an, les fêtes de la patrie, le 18 et le 19 septembre. Des festivités qui s'étendent normalement sur plusieurs jours et où les Chiliens se réunissent en famille ou entre amis, souvent autour d'un bon barbecue. Sauf que cette année, Covid-19 oblige, les célébrations sont réduites au strict minimum. Reportage à Santiago du Chili de Justine Fontaine. En ce long week-end de fête nationale, les Chiliens des communes déconfinées n'ont droit qu'à 5 invités chez eux maximum. Et les rassemblements en extérieur sont limités à 10 personnes. Ce samedi, Jonathan est venu prendre l'air dans un parc de Santiago avec sa compagne et ses enfants. La fête nationale aura été très tranquille chez eux. Nous avons invité mon père à déjeuner une fois et nous n'avons reçu aucune autre visite à la maison à cause des enfants et parce qu'on vit avec la mère de ma compagne qui est âgée et souffre d'hypertension. Un peu plus loin, Nathalie, 27 ans, se repose à l'ombre. Pour elle aussi, ce week-end était loin de l'ambiance des autres années. Pour les jeunes surtout, cette fête c'est comme un anniversaire qui durerait 3 jours. Mais maintenant on ne peut pas faire ça. Alors c'était beaucoup plus familial, plus intime. Pour Sandra, la cinquantaine, impossible d'échapper à une certaine nostalgie. Alors sur la pelouse, elle improvise quelques pas de cueca, une danse typique du Chili. Les autres années, j'allais toujours aux fêtes traditionnelles sur la côte. Cela me manque, mais on pourra bien y retourner un jour. Beaucoup de Chiliens semblent avoir été prudents, mais les professionnels de santé craignent tout de même une hausse du nombre de cas de Covid-19 dans les prochains jours à cause des repas en famille ou entre amis organisés pendant la fête nationale. Justine Fontaine, Santiago, RFI. Dans le reste de l'Amérique latine, les vols vont reprendre en Colombie après 6 mois d'interruption, réouverture des lignes avec les États-Unis notamment, et bientôt avec d'autres destinations latino-américaines. Et puis on manifestait hier en Argentine contre les mesures sanitaires du gouvernement Alberto Fernandez. Des restrictions ont été prolongées jusqu'au 11 octobre alors que le pays continue de battre des records de contamination journalière. Suite et fin du Tour de France ce dimanche sur les Champs-Élysées à Paris, c'est Tadej Pogačar, le jeune prodigue slovène qui sera sacré champion. Il a récupéré le maillot jaune hier grâce à sa victoire au contre-la-montre à la planche des belles filles. Pour le public, ce sera la dernière occasion d'apercevoir le peloton de cette grande boucle aujourd'hui qui restera comme une parenthèse ensoleillée et joyeuse dans un contexte sanitaire tendu, Thomas de Saint-Léger. La fin du tour, c'est aussi celle d'un été insolent, presque interminable. À la planche des belles filles, il reste un peu de voix à la France des bords de route. Mais dans le ciel, les nuages sont de retour et avec eux les soucis. C'est presque un peu triste. Une fin d'été, une fin de Tour de France. Pour les gens qui ont suivi le Tour de France, c'était un coéquipier du quotidien, quoi. Et là, on voit que ouais, le Covid, il revient, quoi. Ça fout un peu le bourdon, c'est vrai. Comme les mauvais jours. Comme l'hiver. L'hiver est à la porte de Romuald, mais chez d'autres comme Sylvie, pas de grosse déprime post-tour à prévoir. C'est à la fois triste, mais le tour s'est fait dans son intégralité, donc voilà, c'est génial vu le contexte. Ce qui finalement compte, c'est que ça puisse se faire et que la joie soit là, que le sport puisse continuer à vivre et que nos champions puissent exercer leur art et leur talent et nous faire plaisir. Et puis pour tenir le coup, il y a toujours des artifices, par exemple faire comme Axel et penser au prochain tour, juillet 2021. Finalement, c'est déjà demain. En général, c'est au mois de juillet et place au mois de septembre. Pour juillet prochain, finalement, c'est l'avantage d'avoir de mois en mois à attendre, quoi. Enfin, si tout se passe bien. Thomas de Saint-Léger à la planche des belles filles, RFI. Et puis on voit l'Armel Lecléac remporte sa 3e solitaire du Figaro. Le vainqueur du dernier Vendée Globe est arrivé en tête à Saint-Nazaire au terme d'une course exceptionnellement amputée de sa dernière étape, faute de vent. Et ça part tout seul, ce n'est rien. Merci donc à la rédaction des RFI pour ce Radio Journal. Prochain point sur l'actualité, c'est dans une vingtaine de minutes à 10h30 avec le flash de la rédaction. Vous l'avez entendu, vous entendez la petite musique derrière moi. Voici la météo. La météo de ce dimanche 20 septembre, un temps instable, un temps automnal avec des averses aux quatre coins du pays, hormis sur le quart nord-ouest où le soleil résiste. L'après-midi, les orages prendront le relais de la Bretagne jusque dans les Alpes-Maritimes. Toujours de belles éclaircies sur le quart nord-ouest. Le vent reste faible, hormis en Nouvelle-Aquitaine, 40 à 65 km/h. Côté mercure, le matin, 12 à 19 degrés jusqu'à 23 degrés en Normandie, 24 en Auvergne-Rhône-Alpes, 26 en Occitanie ou encore en Corse. Merci beaucoup pour cette météo. Et prochain point sur la météo, c'est également à 10h30. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Si vous venez d'arriver, nous venons donc de faire un gros point sur l'actualité, mais vous n'avez rien spécialement loupé de cette case du week-end qui se poursuit jusqu'à midi. C'est encore le début. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, aujourd'hui, l'économie qui arrive dans 10 minutes tout pile. Et nous parlerons du chômage aux États-Unis. Et nous retrouverons donc Dominique Bayard de la rédaction d'RFI. Les actus du numérique arrivent également, et puis l'éphéméride, ainsi que l'horoscope, ça c'est dans quelques minutes. Niveau musique, eh bien il y aura de la très bonne musique, on va écouter Ratata, oui, Concrete Knives avec le titre The Light. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Eh bien on aura Polo et Pan, voilà, de la très bonne musique, Magenta aussi qui sera là, et dans une dizaine de minutes, nous écouterons Offenbach. C'est donc le tout dernier Offenbach qui arrive dans quelques instants sur Radio Antigone. Mais pour l'instant, voici le classique de la case du week-end. Le classique de la case du week-end. Un titre, eh bien, un des titres classiques de la chanson internationale. Voici The Police Message in a Bottle tout de suite sur Radio Antigone. c'était The Police sur Radio Antigone avec Message in a Bottle, le titre que nous n'avions pas pu écouter en complet, de façon complète la semaine dernière, dimanche dernier, en fin d'émission, et je vous avais promis de vous le diffuser aujourd'hui, dès la première minute de l'émission. Je devais le diffuser hier, mais on a eu un petit problème technique hier, et je m'en excuse encore, l'émission n'a donc pas pu être diffusée. Voilà, un petit problème technique, hein. Malheureusement, le direct fait que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, le problème est réglé, donc on est parti pour 2 heures, on a déjà passé 20 minutes, 10h20 sur Radio Antigone, voici votre horoscope. Ah, et si nous arrivons à retrouver Sophie pour l'horoscope, peut-être, est-ce que ça va venir? Voilà, l'horoscope est là. Bonjour à tous, l'horoscope de ce dimanche 20 septembre, on commence avec les béliers. La passion vous guette, vous brûlez de retrouver votre amoureux et en solo vous croisez un regard de braise. Les taureaux, une question familiale, trouve une solution rapide. Les gémeaux, vous êtes en forme aujourd'hui. Cancer, la situation vous paraît claire et nette, vous prenez une décision qui surprend tout le monde, vous y compris. Les lions, votre forme s'affiche et en amour, le déjeuner est emballant. Les vierges, si un rendez-vous se décide à la dernière minute, soyez disponibles. Les balances, une dépense pourrait geler votre budget, gare à un coup de cœur un peu rapide, laissez-vous un peu de temps de réflexion. Les scorpions, vous prenez tout le temps nécessaire pour préparer un dossier ou une présentation. Sagittaire, petit coup de mou, envie de décompresser, faites le minimum et profitez de ce dimanche. Capricorne, un ami a besoin de votre aide ou de vos conseils éclairés. Les Verseaux, branle-bas de combat dans vos activités, une urgence vous oblige à réagir au quart de tour. Et puis les Poissons, pleine forme pour cette journée dynamique. Le titre actuel. Allez, voici un titre diffusé sur toutes les radios actuellement. De moins en moins, je commence à être en retard. Ouais. Voici Quaterhead et Offenbach avec Head, Shoulders, Knees and Toes sur Radio Antigone. Bienvenue. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you keep me from feeling all alone. Sur Radio Antigone avec Head, Shoulders, Knees and Toes sur à 10h23. Aujourd'hui l'économie. Dis donc, je me répète beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie, nous sommes avec Dominique Bayard, comme tous les jours, et nous nous intéressons ce matin aux États-Unis. Là-bas, le chômage est passé bien en dessous de la barre des 10% au mois d'août, un chiffre a priori encourageant, mais démenti par d'autres indicateurs. Le retour au plein emploi sera un chantier de longue haleine, Dominique. Oui, en juillet, le chômage dépassait les 10% et il a subitement chuté à 8,4% le mois suivant. Cela a été la bonne surprise de la rentrée aux États-Unis. Déjà, plus de la moitié des emplois détruits pendant le confinement ont été compensés par de nouvelles embauches. Voilà un autre signe de dynamisme du marché américain. En même temps, la crainte de perdre son emploi est repartie à la hausse. 18% des Américains redoutent le chômage dans l'année qui vient, un chiffre en augmentation constante depuis le mois de juin. Par ailleurs, le rythme de création de l'emploi privé ralentit. Les économistes de la Réserve fédérale prennent donc les statistiques officielles avec des pincettes. Le niveau réel du chômage serait plutôt de 11%, avance l'économiste indépendant Michael Farren. Le chiffre fourni par le département de l'emploi est basé sur un sondage effectué auprès des ménages américains. Michael Farren regarde, lui, la taille du marché de l'emploi. Avant la pandémie, 164 500 000 actifs étaient comptabilisés en emploi ou en recherche d'emploi. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 160 800 000. Et que sont devenus les 3,7 millions qui manquent à l'appel? Eh bien, ils ne sont plus considérés comme des chômeurs parce qu'ils ont effectivement renoncé à chercher un travail. Cela concerne en premier lieu les seniors. Ils ont accéléré leur départ en retraite. Certains ont abandonné leur emploi pour éviter de contracter le coronavirus. D'autres ont préféré jeter l'éponge après avoir été licenciés. Les plus de 65 ans représentaient 7% de la force de travail au mois d'avril et 17% des partants au mois d'août. Ce phénomène touche également les femmes, plus nombreuses que les hommes à avoir disparu du marché du travail, déjà parce qu'elles étaient plus souvent affectées dans des emplois de service, très touchés par le confinement, comme l'hôtellerie ou la restauration, et ensuite parce qu'elles ont dû quitter parfois leur emploi pour s'occuper de leurs proches qui sont tombés malades, ou pour s'occuper des enfants privés d'école pendant le confinement. En fait, ces deux groupes qui étaient revenus vers l'emploi avant la crise du Covid, au moment où le marché était hyper tendu, eh bien, ils ont été les premiers sacrifiés par la crise. Dominique, leur mise à l'écart risque d'avoir des conséquences néfastes pour la reprise. Oui, le revenu de tous les ménages américains baisse, ils consomment donc moins, l'activité économique va en souffrir. La situation financière des demandeurs d'emploi, elle aussi, se dégrade. La durée de leur période de chômage s'allonge et leurs futures indemnités exceptionnelles ne sont plus garanties. Le programme d'aide publique mis en place pendant la pandémie est en train d'expirer, faute d'accord entre les républicains et les démocrates pour les reconduire. Idem pour les prêts accordés aux entreprises afin qu'elles conservent leur main-d'œuvre. Il pourrait donc y avoir des vagues de licenciements massifs, notamment dans le secteur de l'aérien, de l'énergie. Il a fallu plus de 6 ans aux États-Unis pour récupérer les 8 millions d'emplois effacés par la crise financière de 2008. À cette aune, le retour au plein emploi est encore donc très très lointain puisque le coronavirus a provoqué une récession bien plus soudaine, supprimant en quelques mois 22 millions d'emplois. Et on termine cette chronique économique avec une petite information en bref. En Chine, les ventes de détail sont en hausse, une première depuis le début de l'épidémie. Plus 0,5% au mois d'août, alors que ces ventes ont chuté de 20% en janvier et en février. Un autre indicateur confirme la reprise de l'économie chinoise, la croissance de l'activité industrielle qui accélère, plus 5,6% en rythme annuel pour le mois d'août. Aujourd'hui, l'économie avec Dominique Bayard de la rédaction de RFI. Dans une heure, nous parlerons d'un sujet qui va intéresser les plus jeunes qui sont attachés aux outils numériques, mais également à l'environnement. Des sujets qui sont contradictoires, mais vous verrez que les GAFAM s'engagent pour verdir leurs activités. On revient avec le flash dans 3 minutes après Concrete Knives. Change your side. De quoi démarrer la journée en douceur avec cette chanson quand même assez douce, concrète, knive. C'était The Light à l'instant sur Radio Antigone. Il est 10h31. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. L'heure de faire, eh bien, comme tous les jours, à 7h et comme toutes les 30 minutes, un nouveau point sur l'actualité avec la rédaction. Et encore une fois, ça ne part pas avec la rédaction, bonjour. Et non, toujours pas la rédaction, alors petit problème de source audio, ça va le faire, hein, ça va le faire. Bonjour à la rédaction. Bonjour à tous, l'équivalent d'une année de précipitations tombée en l'espace de quelques heures hier, l'épisode Sévenol qui a frappé le Gard a été d'une rare violence. De nombreux cours d'eau ont débordé, des centaines de pompiers étaient mobilisés et une personne au moins est toujours portée disparue. Ce matin, Météo France annonce la fin de l'alerte rouge en local. Gérald Darmanin et Barbara Pompili, les ministres de l'Intérieur et de la Transition écologique, se rendent sur place. 75 députés de la majorité signent une tribune à paraître ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Ils appellent à une vaccination massive contre la grippe saisonnière. Un acte qu'ils qualifient de citoyen et qui devrait permettre de lutter, selon eux, contre le retard de diagnostic et les complications chez les plus fragiles dans un contexte de cohabitation avec le coronavirus. À l'échelle nationale, rappelons ce chiffre, 13 500 nouvelles contaminations enregistrées hier en l'espace de 24 heures. En France. Au Royaume-Uni, le ton se durcit face à l'obligation d'auto-confinement. Les personnes contaminés qui ne respecteraient pas cette obligation se verront infliger une amende de 10 000 livres sterling, soit 11 000 euros. Une annonce qui intervient alors que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé cette semaine que son pays faisait face à une seconde vague. En sport, en cyclisme, l'arrivée du Tour de France prévue cet après-midi sur les Champs-Élysées, une étape très suivie. Après l'incroyable rebondissement d'hier, le jeune Slovène Pogačar a arraché le maillot jaune, pourtant solidement ancré sur les épaules de son compatriote Primoz Roglic qui tenait le jaune depuis au moins une quinzaine de jours. Aux 24 heures du Mans, Toyota et Rebellion se disputent toujours la première place. L'arrivée est prévue cet après-midi à 14h30. Enfin, en tennis, la surprise, Rafael Nadal éliminé en quart de finale des Masters 1000 à Rome hier. L'Espagnol, pourtant grand favori, s'est fait sortir par l'Argentin Diego Schwartzmann. Eh bien, merci à la rédaction pour ce flash. Et on vous retrouve à 11h. J'ai un peu de mal ce matin, ça va le faire. Allez, on y va, voici la météo. Venir, peut-être. La météo de ce dimanche 20 septembre, un temps instable, un temps automnal avec des averses aux quatre coins du pays, hormis sur le quart nord-ouest où le soleil résiste. L'après-midi, les orages prendront le relais de la Bretagne jusque dans les Alpes-Maritimes. Toujours de belles éclaircies sur le quart nord-ouest. Le vent reste faible, hormis en Nouvelle-Aquitaine, 40 à 65 km/h. Côté Mercure, le matin, 12 à 19 degrés, jusqu'à 23 degrés en Normandie, 24 en Auvergne-Rhône-Alpes, 26 en Occitanie ou encore en Corse. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. 10h35 sur Radio Antigone. Merci beaucoup d'être avec nous. La case du week-end jusqu'à midi, la petite voix vient de vous le dire. Dans quelques instants, les actus du numérique. Il y aura aussi l'éphéméride dans moins de 15 minutes. Vous saurez tout sur cette journée. Les actus des médias vous parlera, eh bien... vous emmènera un petit peu sur les... comme bêtise. Oui, non, je me perds. Vous parlera des prochaines sorties, films et séries sur Netflix, puisque Netflix est également un média et on se doit d'en parler. Voilà, je me modernise un peu. Vous avez vu, hein, moi et Netflix, c'est pas trop mon truc. Vous allez voir, j'ai au moins trois programmes à vous présenter, deux films et une série. Voilà, donc restez avec nous, ça c'est dans 20 minutes, aux alentours de 10h50. Niveau musique, eh bien on aura Polo et Pan avec Canopé. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura un nouveau classique dans cette case du week-end, ça sera Samantha Fox avec Nothing's Gonna Stop Me Now. Vous allez voir, vous connaissez tous et ça va vous réveiller si vous venez de vous réveiller, hein, si vous êtes pas trimatinal le week-end et que vous faites une grave matinée. C'est le but de cette émission. Et on continue en musique, encore une fois avec Ratata Falcon Jab, juste avant donc de retrouver les actus du numérique. Avec Falcon Jabs sur Radio Antigone. Dans quelques minutes, voici un classique, Samantha Fox. Radio Antigone, les actus du numérique. 10h40 et je vous parle une nouvelle fois de PS5. La semaine dernière, je vous ai expliqué que la dernière conférence de Sony à propos de la nouvelle console de la marque allait se tenir dans la semaine. Eh bien, c'est fait et première nouvelle, il fallait s'y attendre. Pas de rétro-compatibilité. Je bloque à chaque fois sur les mots. Donc, pas de rétro-compatibilité avec les anciennes générations de la console. C'est-à-dire que les jeux de la PlayStation 1, 2 et 3 ne fonctionneront plus sur la toute nouvelle PlayStation 5. C'est le CEO de Sony, Jim Ryan, qui l'a confirmé. Sachez qu'en revanche, 99% des titres de la PS4 devraient pouvoir fonctionner sur la nouvelle version de cette console. Bien sûr, la nouvelle version sur la PlayStation 5. Voilà, parce que c'est pas vraiment une nouvelle version. Je dis n'importe quoi. Je vous parle maintenant d'iOS. Et certains propriétaires d'iPhone ont très certainement remarqué, en ayant installé la mise à jour iOS 14, que Safari s'imposait de lui-même comme navigateur par défaut, et même en cas de redémarrage. Ce petit problème devrait être corrigé par un correctif déployé par la marque à la pomme. Voilà. Et puis, je vais parler aussi de TikTok et WeChat qui sont, ça y est, Donald Trump l'avait promis, eh bien, interdites aux États-Unis. Alors, pour l'instant, pas vraiment interdites. Vous pouvez toujours les utiliser, mais impossible de les installer. Et donc, également, d'installer des mises à jour. C'est-à-dire que lorsque les applications chinoises sortiront des mises à jour, vous ne pourrez pas les installer et donc votre application sera petit à petit plus fonctionnelle. Si vous habitez aux États-Unis, ce n'est pas votre cas, mais c'est quand même un gros coup de tonnerre. Pour ce que je pouvais vous dire à propos de TikTok et WeChat. Et puis j'ai oublié de vous parler quand même, je vais revenir à cette PS5 puisque je ne fais pas du tout les choses dans l'ordre, mais ça c'est mon habitude. Eh bien, vous le savez peut-être, les précommandes de cette PS5 ont été lancées peu après cette conférence. Bon, c'est un peu compliqué, hein, puisque la console a été en rupture de stock en précommande après quelques minutes. Ouais, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Un couac qui n'a donc pas vraiment plu aux fans de la marque, qui galèrent depuis plusieurs jours pour réserver la fameuse console, avec l'espoir de la recevoir le 19 novembre. C'est le jour de la sortie, le jour prévu. En tout cas, de cette sortie. Voilà. Micromania, le vendeur français, a commencé à évoquer la possibilité que la PS5 ne serait plus en stock avant 2021, ce qui rassure encore moins les fans. Voilà pour vos actus du numérique. Dans une heure, des actus du numérique un peu mieux ficelés, je vous parlerai d'un data center Microsoft qui était sous la mer et qui est remonté cette semaine. Voilà, je vous en parle dans quelques instants. Oula, j'ai perdu ma voix dans quelques instants. Non, pas vraiment. Je vous en parle dans une heure dans les prochaines actus du numérique. Allez, moi je vais me prendre un petit chocolat chaud parce que je ne suis pas du tout réveillé. Et je vous laisse avec Damon Albarn, Everyday Robot, sur Radio Antigone. They didn't know where it was going, but they knew where it was, wasn't it? Of getting home, looking like standing stones. Out there on our own, we're everyday robots in control, are in the process of being so. More vacancy for everyday robots. getting old. When our lips are cold, looking like standing stones. Out there on our own, little robots in midnight tones, in the process of getting. Albarn sur Radio Antigone, c'était Everyday Robots à l'instant. 10h47, voici votre éphéméride. L'éphéméride. Et nous sommes le samedi 19 septembre 2020, le 264e jour de l'année. Nous fêtons aujourd'hui les Émilie. Je vous dirai les fêtes tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis à jour mon document. Bravo Enzo. Je vous parle aujourd'hui d'un petit jingle. Excusez-moi, du coup ma transition ne marche pas. Je vous parle pas vraiment d'un jingle, hein, mais en tout cas bon anniversaire à Patrick Poivre d'Arvor, le journaliste qui a présenté les journaux sur Antenne 2 pendant 7 ans, puis 21 ans sur TF1, d'où le jingle, et ce jusqu'en 2008. Il a 73 ans aujourd'hui. Autre anniversaire, celui du comédien et acteur Gilles Alma, qui a notamment joué dans la série quotidienne Nos chers voisins, encore une fois sur TF1. C'est aujourd'hui son 41e anniversaire. Je termine cette liste avec le champion de patinage artistique, aujourd'hui à la retraite, Brian Joubert, qui a 35 ans. Voici les journées mondiales du jour, avec la journée mondiale de la prostate, l'occasion de dire un mot sur les différentes maladies pouvant toucher cette partie du corps, et notamment le cancer qui touche chaque année 40 000 hommes en France, c'est plus que le cancer du poumon. Deuxième journée mondiale, celle du sport universitaire, c'est une journée reconnue par l'ONU depuis 2015. Pourquoi cette date du 20 septembre? Eh bien, car c'est le jour qu'avaient vu se dérouler les premiers championnats du monde des étudiants qui ont eu lieu en 1924. Voici maintenant les événements qui se sont passés un 20 septembre avec quelques changements dans le code civil pour commencer. En 1792, avant de se séparer et de laisser place à la première République française, l'Assemblée législative vote une loi qui autorise le divorce et interdit les vœux perpétuels, c'est-à-dire la possibilité d'entrer au couvent. La raison de cette décision est que pour les révolutionnaires, la liberté exige qu'aucun engagement ne soit irrévocable. La même année et toujours le même jour, les officiers municipaux se voient confier la tenue des registres d'état civil, c'est-à-dire les naissances, les mariages et les décès. Cette fonction était auparavant réservée aux curés. Je rajoute qu'un an plus tôt avait déjà été institué le mariage civil. Voici un autre événement s'étant déroulé un 20 septembre, c'est l'entrée des troupes piémontaises à Rome. Le 20 septembre 1870, quelques jours après la chute du Second Empire français, les troupes piémontaises entrent à Rome. Le roi Victor Emmanuel profite de la chute de Napoléon III pour achever l'unification de la péninsule. Et avant de terminer cette éphéméride du jour, sachez que c'est un 20 septembre que s'est entamée la première édition du Festival de Cannes. C'était plus précisément en 1946. Voilà pour votre éphéméride. Bonne journée à tous. Le classique de la case du week-end. Allez, on est parti avec un classique. Vous venez de l'entendre. Un titre international que tout le monde connaît. Voici Samantha Fox tout de suite. Que je fasse un peu de promo, je vous parle de Netflix et des prochaines séries et films dans quelques instants, juste après Samantha Fox. Mmh. Que c'est bon ce titre, Samantha Fox, Nothing Gonna Stop Me No sur Radio Antigone. C'était le classique de cette première heure de la case du week-end. Radio Antigone. La case des médias. Le début de cette case du week-end. Et pour ceux qui ont regardé un peu les réseaux sociaux de Radio Antigone, vous savez un peu ce que j'ai prévu. Je vous propose de faire un petit récapitulatif des films et séries qui vont sortir, qui sont ou vont sortir prochainement sur Netflix. Je commence avec un film qui devait initialement sortir sur grand écran au cinéma, mais qui à cause de la pandémie de Covid-19 sortira tout d'abord sur la plateforme de streaming. Il s'agit du film Enola Holmes, réalisé par Harry Bradbeer. Il raconte l'histoire de la sœur du célèbre détective Sherlock Holmes. Ce film est adapté du premier roman de la série littéraire Les Enquêtes d'Enola Holmes, de la romancière américaine Nancy Springer. L'histoire paraît simple au premier abord, Enola est à la recherche de sa mère et part pour Londres, mais là-bas, elle découvre un énorme complot. Le film sort mercredi sur Netflix, c'est normal, hein, sur Netflix, puisque c'est quand même le sujet de cette rubrique. Autre film nommé cette fois Le Diable Tout le Temps, c'est là aussi une adaptation d'un livre, celui du même nom que le film, et qui a été publié en 2011 par Donald Ray Pollock. Voici le synopsis, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, bon c'est très noir. Hein. Dans le sud des régions rurales de l'Ohio et de la Virginie occidentale, nous faisons la rencontre de Willard Russell, un vétéran tourmenté qui ne peut sauver son épouse Charlotte d'un cancer et dont la foi le pousse à des dérives plutôt malsaines. Car les Sandy Anderson sont quant à eux un couple de tueurs en série. Chaque jour, ils roulent sur les autoroutes américaines à la recherche de modèles appropriés à photographier et à exterminer. Autre personnage, Roy, le prédicateur des araignées et son compagnon de théâtre virtuose, Théodore. Il fuit la loi. Et nous avons pour finir le fil rouge de ce film, Arvin Russell. Il est le fils orphelin des deux premiers personnages dont je vous ai parlé et il va essayer tant bien que mal de devenir un homme bon à côté de son entourage qui est lui plutôt nocif. Le Diable Tout le Temps, un thriller très noir réalisé par Antonio Campos et avec des acteurs qui sont tous sauf inconnus, j'ai nommé Robert Pattinson et Tom Holland par exemple, à retrouver dès maintenant sur Netflix, c'est sorti ce mercredi. Côté série, maintenant, on peut noter l'arrivée prochaine sur le catalogue de la plateforme de The School Nurse File, série qui, encore une fois dans cette chronique, est issue d'un roman. La série va vous faire vivre le quotidien d'une infirmière aux dons inhabituels et qui, grâce à son sabre lumineux, sonde les recoins obscurs d'un lycée pour protéger les élèves contre des monstres qu'elle est la seule à voir. Une série de 6 épisodes à voir à partir du 25 septembre. Voilà pour ces actus des médias. Et dans une heure, eh bien, je vous fais un petit tour sur tout ce qui s'est passé cette semaine à la télévision, à la radio, en tout cas dans les l'organisation de la radio et de la télévision, et notamment du 13h. Voilà, vous avez sûrement entendu qu'il y a un beau bazar, un beau bourbier. C'est un peu, ça va, hein, ça va mieux. Mais un beau bazar du côté de l'organisation des 13h avec l'arrêt prochain de la présentation par Jean-Pierre Pernaut. Bref, je ne vous en dis pas plus. Allez, hop, je vous parlerai pas que de ça, hein, rassurez-vous. Ouais, je suis en train de gagner du temps. Non, pas du tout. Voici Polo et Pan avant 11h. Avant 11h, l'heure à laquelle nous ferons un point sur l'actualité avec le Flash. Ainsi que la météo. Donc voici donc Polo et Pan avec le titre Canopée pour vous emmener jusqu'à 11h. Les oiseaux nous chantent leur mélopée et nous vivons.

en France. Au Royaume-Uni, le ton se durcit face à l'obligation d'autoconfinement. Les personnes contaminées qui ne respecteraient pas cette obligation se verront infliger une amende de 10 000 livres sterling, soit 11 000 euros. Une annonce qui intervient alors que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé cette semaine que son pays faisait face à une seconde vague. En sport, en cyclisme, l'arrivée du Tour de France prévue cet après-midi sur les Champs-Élysées, une étape très suivie. Après l'incroyable rebondissement d'hier, le jeune Slovène Pogačar a arraché le maillot jaune, pourtant solidement ancré sur les épaules de son compatriote Primož Roglič, qui tenait le jaune depuis au moins une quinzaine de jours. Aux 24 heures du Mans, Toyota et Rebellion se disputent toujours la première place. L'arrivée est prévue cet après-midi à 14h30. Enfin, en tennis, la surprise. Rafael Nadal éliminé en quart de finale des Masters 1000 à Rome hier. L'Espagnol, pourtant grand favori, s'est fait sortir par l'Argentin Diego Schwartzmann. Merci à la rédaction pour ce flash. On vous retrouve dans 25 minutes à 11h30 avec un flash tout frais, tout neuf, tout beau. Voici la météo à présent. Bonjour. La météo de ce dimanche 20 septembre, un temps instable, un temps automnal avec des averses aux quatre coins du pays, hormis sur le quart nord-ouest où le soleil résiste. L'après-midi, les orages prendront le relais de la Bretagne jusque dans les Alpes-Maritimes. Toujours de belles éclaircies sur le quart nord-ouest. Le vent reste faible, hormis en Nouvelle-Aquitaine, 40 à 65 km/h. Côté Mercure, le matin, 12 à 19 degrés, jusqu'à 23 degrés en Normandie, 24 en Auvergne-Rhône-Alpes, 26 en Occitanie ou encore en Corse. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'être avec nous. 11h06, un petit peu de retard, mais comme d'habitude, ce n'est rien. Vous n'êtes pas là pour la ponctualité, c'est un dimanche, voilà, on se laisse un petit peu aller. J'espère que vous allez bien, que votre journée va bien se passer. Alors chez moi, il y a un petit peu de soleil, donc vous allez peut-être pouvoir faire une petite balade, si vous êtes balade, pouvoir faire un peu de sport dehors, je ne sais pas. Hein. Je vous laisse faire, je ne vous impose rien, puisque de toute façon, bah, je ne pourrai pas vérifier, donc je vais pas m'embêter. Voilà, hein, et puis j'ai pas que ça à faire, puisqu'est-ce qu'il y a aujourd'hui l'économie, donc vous voyez, j'ai pas que ça à faire, puisque dans 15 minutes aujourd'hui l'économie, on retrouvera Dominique Bayard et nous parlerons des GAFAM qui essaient petit à petit, tant bien que mal, de se verdir. Puis j'aurais même peut-être dû enlever le tant bien que mal. Vous verrez ça, Dominique nous expliquera tout. L'initiative, je vous parle d'une initiative solidaire ou toute autre chose. Ça arrive également dans quelques minutes. Alors que je réfléchisse, vous voyez, hein, j'ai pas que ça à faire de vous surveiller, donc je vous laisse, vous êtes des grands, bien sûr, je n'en doute pas, merci à tous d'être avec nous. Alors là, j'ai le nombre d'auditeurs, alors, que je vais faire un petit tour, voilà, alors je prends mon navigateur et je vois 3 auditeurs, et bien merci à ces 3 auditeurs qui sont avec nous, qui sont avec moi pour cette case du week-end, et pour la plupart depuis le début de cette émission, voilà. Et un troisième auditeur qui nous a rejoint aux alentours de 10h30, merci beaucoup à lui. Et vous voyez, hein, je vous traque, pas plus qu'au Google, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai rien d'autre, hein, je n'ai pas plus d'informations, juste les données détaillées pour l'instant. Je vais arrêter parce que là, ça devient très long quand même, hein. Voilà, on commence à s'ennuyer. Elle va nous réveiller parce que... qu'est-ce que je dis ? Je me reprends, donc je disais, elle ne va pas vous ennuyer, c'est le Avamax qui sera là pour le prochain titre actuel. C'est le dernier Avamax, voilà, qui sera dans le titre actuel, puisque c'est quand même le but de cette rubrique, le titre actuel. Un titre diffusé actuellement sur toutes les radios. On aura aussi du Magenta avec assez et le point d'interrogation à la fin du titre, voilà. Un petit peu de ponctuation, ça ne fait pas de mal. Et puis on aura un autre titre actuel. Et bah dis donc, il y en a beaucoup de titres actuels aujourd'hui, alors que tous les jingles se lancent derrière moi. C'est une catastrophe, mais ce n'est rien. Autre titre actuel, on aura Tina Turner avec Kygo, voilà, avec le titre What's Love Go To Do With It, une belle reprise de ce titre, et ça sera donc le prochain titre actuel en fin d'émission. Mais tout de suite, voici L'archive pub sur Radio Antigone. L'archive pub. Ouais, tous les jingles se sont lancés derrière à l'instant après l'extrait d'Avamax, mais ce n'est rien. Début de cette deuxième heure un peu chaotique, hein, je m'en excuse, je suis en train de divaguer quand je parle en plus, c'est catastrophique. L'archive pub, eh bien, tous les jours, chaque week-end en tout cas, je vous propose d'écouter une ancienne publicité. Voilà, une ancienne publicité à des fins totalement nostalgiques, hein, aucun autre but dans cette publicité, hein, nous ne sommes pas payés en tant que radio associative. Aujourd'hui, je vous emmène en 1977 pour vous faire écouter une publicité pour des pâtes de la marque Panzani, la marque qui avait décidé de mettre en lumière les personnages d'Astérix et Obélix, qui avaient pour l'occasion décidé d'accompagner leur traditionnel sanglier avec des pâtes. Obélix lui-même est étonné. L'archive pub. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le jingle. Voilà, la publicité. Qu'est-ce qu'ils servent avec le sanglier ? Des pâtes. Et pâtes. Des pâtes, oui, mais des bons amis. Voilà pour cette publicité pour les pâtes Panzani que je voulais vous proposer. Aujourd'hui, pas plus d'informations. Aujourd'hui, je vous donne pas plus d'informations. Hein. Panzani, vous connaissez un petit peu la marque. Si j'aurais pu vous parler de l'histoire, mais on est déjà un petit peu tard, donc voilà. Hein. Je m'enfonce petit à petit depuis 11h. C'est catastrophique cette deuxième heure. Allez, on va écouter un peu de musique, voilà. Ça évitera que je continue à divaguer, à dire n'importe quoi comme je le fais actuellement. Qu'est-ce qu'on s'écoute? Je réfléchis. Eh bien, voici du Alain Bachung, non? Ouais, Alain Bachung, playlist Radio Antigone. Voici Vertige de l'amour tout de suite sur Radio Antigone. L'initiative de la case du week-end arrive juste après. Ah, mais je suis bête. Vous voyez, je pars complètement dans cette deuxième heure. Je pouvais parler dessus. Eh ouais, j'avais le temps. J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquette. Il y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non, mais t'as vu ce qui passe. Feuilleton à la place. Oh, oh, vertige de l'amour. Tu chopes des Bachung avec Vertige de l'amour sur Radio Antigone. Et dans quelques minutes, nous écouterons Magenta et nous retrouverons Dominique Bayard pour la deuxième partie d'Aujourd'hui l'économie. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et c'est l'heure de l'initiative. Je vous parle d'une initiative solidaire et en tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Hein. Peut-être autre chose que solidaire, mais aujourd'hui, je vous parle. De la Ligue du Vendredi dans une métropole normande. J'ai nommé Rouen. Alors on sait que trinquer entre amis dans un moment convivial et faire une bonne action n'en vont pas forcément ensemble, mais la Ligue du Vendredi a lancé une initiative solidaire en février dernier. Les bars partenaires de l'opération reversent 1% de leurs recettes du vendredi soir à une association caritative, quelque chose qu'ils cherchaient à faire depuis un bon moment, selon l'un des cofondateurs de l'opération. Alors des établissements ont joué le jeu malgré un contexte sanitaire qui les a obligés à fermer leurs comptoirs durant plusieurs semaines. Plus de 5000 euros ont été collectés durant la première campagne. Et ils ont été remis il y a quelques semaines au Secours Populaire de Seine-Maritime. Pour le cofondateur de l'opération, c'est de la satisfaction pour avoir récolté cette somme sympathique. Il ne pensait pas avoir autant d'argent dès la première opération. Pour lui, c'est chouette. Ça fait aussi prendre conscience à pas mal de gens que le projet est concret, car tant qu'on n'a pas versé le moindre centime, cela reste abstrait. C'est en tout cas ce qu'indique John D., l'un des cofondateurs donc de l'opération. Alors l'objectif est maintenant de développer le concept dans d'autres villes. La Ligue du Vendredi donc compte donc sur différents stickers et collés notamment sur les verres pour informer les consommateurs de son action. Elle espère pouvoir exporter le concept à Évreux notamment, à Évreux et à Havre, où des bars ont déjà fait part de leur intérêt. Voilà pour cette belle initiative, je trouve. Donc vous pouvez aller le vendredi à Rouen boire dans certains bars lyonnais qui ont un petit sticker rouge et jaune. C'est comme ça que vous pouvez le reconnaître et donc faire une bonne action, puisque 1% des ventes est donc reversé à cette œuvre caritative. Ouais, une œuvre caritative, ça ne sera pas forcément toujours le Secours Populaire. Voilà pour cette initiative. Et on va retrouver Dominique Bayard dans quelques instants avec Aujourd'hui l'économie. Tout de suite, voici Magenta. Et puis le programme télé de ce soir arrive également. Voilà. Merci beaucoup d'être sur Radio Antigone. C'est un grand plaisir de vous accompagner jusqu'à midi avec ce beau programme. Voici Magenta. Assez tout de suite. Est-ce que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez puissant pour te retenir ici bas avec moi, pour te maintenir intact en état? (Musique)

Max, c'est Woz Loshing No sur Radio Antigone. Aujourd'hui, l'économie. Google s'engage à ne plus émettre le moindre gramme de carbone d'ici 10 ans. D'autres géants du net l'ont précédé. Ces entreprises sont-elles aujourd'hui à l'avant-garde de la transition écologique ? C'est Dominique Bayard qui nous répond. Oui, elles vont beaucoup plus vite que ce qu'exige l'administration américaine. Ces mastodontes ont des moyens financiers faramineux pour mener cette transition. Ce sont aussi des sociétés très jeunes, en prise constante avec l'évolution de leur environnement. Sur son blog, le patron de Google, Sundar Pichai, a détaillé son objectif en faisant un lien avec les incendies attribués au réchauffement climatique qui dévore actuellement la Californie, là où est installé le siège de la société. Cette promesse est donc évidemment très opportune en termes de communication, mais ce n'est pas un simple effet d'annonce. C'est une nouvelle étape dans une démarche déjà ancienne pour Google. Depuis 2007, toutes ces émissions sont compensées et la société estime qu'avec les investissements verts déjà effectués, son empreinte carbone a été entièrement compensée. C'est une société qui a été créée en 1998. Par ailleurs, Google, en tant qu'entreprise privée, est devenu le premier consommateur au monde d'énergie renouvelable. Et comment Google va s'y prendre pour parvenir à son objectif de zéro émission en 2030 ? Eh bien, le champion de la recherche en ligne veut généraliser l'usage des batteries pour conserver l'électricité. Il va aussi développer l'efficacité énergétique grâce à l'intelligence artificielle et bien sûr alimenter ses data centers avec de l'énergie solaire ou éolienne et aussi un peu de nucléaire. C'est la seule concession aux énergies dites conventionnelles. C'est entre autres sous la pression des salariés que les GAFA ont accéléré leur décarbonation. En janvier, Microsoft a été le premier à s'engager à l'horizon 2030, mais il avait lui aussi des projets concrets en chantier pour diminuer ses émissions, avec par exemple un data center sous-marin. Après 2 ans d'activité, immergé au large de l'Écosse, le prototype est remonté à la surface il y a quelques semaines et les premiers résultats sont très concluants. Il fonctionne encore mieux que les modèles terrestres grâce à l'énergie éolienne et grâce à l'eau de mer qui refroidit le réseau des ordinateurs. Facebook, qui a une empreinte carbone 4 fois moins élevée que celle de Google, espère parvenir à la neutralité dès cette année et s'engage par ailleurs à étendre cet objectif à tous ses fournisseurs et ses clients d'ici 2030. Amazon se donne 10 ans de plus pour éliminer complètement ses émissions de gaz à effet de serre. Oui, il se donne jusqu'en 2040. La tâche est complexe puisqu'il lui faut décarboner toute sa flotte de livraison. 100 000 véhicules électriques ont été commandés, mais ils ne seront pas déployés assez rapidement pour que cet objectif soit réalisé en 2030. Pour Apple, qui est aussi un industriel, le processus est très ardu. Fabriquer un iPhone qui n'émet pas de carbone, cela veut dire qu'il faut aussi convertir tous les sous-traitants. Pour le moment, 70 sur 200 d'entre eux ont accepté de partager cet objectif de neutralité carbone en 2030, parfois avec le soutien actif de leurs donneurs d'ordre. Apple s'est associée à une dizaine de ses fournisseurs chinois pour financer des éoliennes. Elles seront en service d'ici 2 ans. C'est elles qui fourniront l'électricité aux usines chinoises. Les GAFA, très critiqués pour le monopole qu'ils exercent de fait sur leur activité, sont en train d'utiliser cette position de levier pour faire bouger tout un écosystème. C'est le versant positif de leur conversion écologique, mais elles ne perdent pas leur finalité, ces entreprises, vendre toujours plus de produits pour conserver leur suprématie. Merci Dominique Bayard. Et à samedi 10h23, nous allons continuer à évoquer ce sujet avec le cas de Microsoft et de son data center sous-marin dont vous avez parlé, Dominique, dans 10 minutes et les deuxièmes actus du numérique. Je termine rapidement avec une petite info. En bref, et suite à une plainte chinoise contre les premiers droits de douane imposés par la Maison Blanche sur un montant de 250 milliards de dollars, l'OMC estime que... L'Organisation mondiale du commerce condamne la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. L'OMC estime donc que ces représailles ne sont pas suffisamment motivées et incompatibles avec les règles de l'institution du commerce international. En théorie, les États-Unis peuvent faire

le mieux possible. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du plaisir à écouter cette émission. Eh bien, le plaisir, vous allez le prendre, continuez à le prendre avec Balthazar qui arrive. On aura aussi Kaigo et Tina Turner, un duo improbable mais qui existe tout de même avec cette nouvelle version de What's Love Got To Do With It. Ça arrive dans quelques minutes, juste avant la fin de l'émission, les actus du sport, les actus des médias et donc les actus du numérique. Juste après un petit bout de Arcade Fire, ready to start tout de suite. Fire, ready to start sur Radio Antigone. Ouais, je vous avais dit que c'était un petit extrait, un petit bout d'Arcade Fire. Ne vous inquiétez pas, hein, le titre est dans la playlist de Radio Antigone et donc il passe quasiment tous les jours. Il passe avec tous les autres titres lorsqu'il n'y a pas d'émission. Vous aurez donc l'occasion de l'écouter en complet, de façon complète, sans aucun problème plus tard dans la journée ou demain, après-demain. Bref, ne vous inquiétez pas, il reviendra. Il est 11h39, voici les actus du numérique. Radio Antigone, les actus du numérique. Et attention, la musique suivante est partie, j'ai coupé à temps. Voilà, j'ai réussi à abaisser le levier puisque les musiques étaient en automatique. Balthazar arrive avec The Oldest of Sister, je crois, quelque chose comme ça. Oui, Older of Sister, oui, parce que parfois le titre n'est pas complet sur mon logiciel. Mais je vous parle, eh bien, de numérique, puisque les actus du numérique, et vous le savez, avec l'utilisation d'Internet toujours en croissance, le nombre de data centers nécessaires aux différentes entreprises est lui aussi en hausse. Problème, il faut trouver comment refroidir ces énormes bases de données sans consommer trop et surtout sans trop polluer. Chacun y va de sa façon, hein, soit en mettant ces derniers dans le froid de la Suède, c'est le cas de Facebook, soit en concevant un système de water cooling comme vous pourriez avoir sur votre PC, mais en géant grâce aux chutes du Niagara. Oui, oui, ça existe. Eh bien, pour Microsoft, la solution expérimentale est différente. L'éditeur de Windows a décidé en juin 2018 d'immerger un data center dans la mer écossaise. Le projet conçu par une entreprise française a été remonté à la surface ce mardi et aurait répondu aux attentes du géant américain. Pas plus grand qu'un conteneur, le projet Natick permettait de faciliter le refroidissement des serveurs grâce à l'eau, mais il est également autosuffisant puisque l'énergie nécessaire à son fonctionnement en continu était produite par l'éolien et les marées. De bons moyens donc de maîtriser l'électricité. Au-delà de cette réussite économique, puisque ça coûte en plus moins cher et écologique, des avancées techniques ont été réalisées. Le taux de défaillance a été réduit par 8 dans l'eau. Et oui, les raisons de cet exploit seraient, selon les ingénieurs, l'absence d'oxygène et de présence humaine, remplacée par l'azote, hein, l'oxygène, qui, je cite, « améliore la fiabilité des systèmes ». Ce taux étonnamment faible ne serait pas négligeable dans cette situation, car en plus de satisfaire les utilisateurs avec un système bien fonctionnel, les réparations sont plus difficiles sous l'eau. Ce data center contenait plus de 800 serveurs pour une capacité totale de 27,6 pétaoctets, ce qui est donc une solution viable, encore une fois selon Microsoft. Il pourrait donc être installé sur les côtes, ce qui permettrait en plus de réduire la latence car la majorité de la population habite dans les 200 km autour de ces côtes. La vue de tous ces avantages, ouvre la voie à un déploiement plus massif et ouvre lui-même la voie à un meilleur respect de l'environnement. Voilà. Pour ces actus du numérique et ce data center immergé, vous savez tout maintenant. Il va maintenant être démonté et recyclé. Il ne sera donc visiblement pas réutilisé, en tout cas dans cet état. On espère bien sûr que les data centers en fonctionnement normal, qui seront immergés dans les prochaines années, eux tiendront plus que 2 ans. Voilà, là c'était une phase de test, donc ça paraît normal. Mais on espère qu'ils pourront tenir peut-être 20 ans. Surtout que visiblement, eh bien, il a mieux résisté sous l'eau que prévu et serait presque en état de fonctionner encore. On verra si les nouvelles innovations permettent de le faire fonctionner encore plus longtemps sous l'eau. Il est 11h42 et nous allons revenir dans quelques instants avec les actus du sport ainsi que les actus des médias. Les deuxièmes actus des médias, on va parler du 13h, retour sur les événements de la semaine et puis j'ai plein d'autres sujets que je voudrais évoquer avec vous. Voici Balthazar avec The Oldest of Sisters sur Radio Antigone. Tina Turner et Kygo arrivent dans quelques minutes. 'Cause when I went nearby to see what I missed, there was your doorman challenging me to confess, friend of mine, my old friend, refined, my old friend, well timed, my old friend of mine. Balthazar, The Oldest of Sisters, à 11h45 sur Radio Antigone. Voici les actus du sport, excusez-moi, encore un petit problème de micro, et ça va le faire, je vais y arriver. Les actus du sport, et on commence tout d'abord avec l'étape d'hier du Tour de France, qui avec un rebondissement, toujours en Slovène avec le maillot jaune, mais un changement effectivement, puisque c'est Tadej Pogačar qui a récupéré le maillot jaune sur son compatriote Primoz Roglic avec un contre-la-montre qui pouvait auquel on pouvait s'attendre un résultat quasi nul, aucun changement dans le classement général. Eh bien non, puisque celui qui avait une cinquantaine de secondes de retard sur son compatriote Primoz Roglic a récupéré le maillot jaune en terminant 2 minutes plus rapidement que le maillot jaune hier lors du contre-la-montre qui se terminait avec à la planche de belle des belles filles. Et donc un exploit et le maillot jaune qui devrait rester sur les épaules puisque c'est la dernière étape aujourd'hui. Allez, je vais essayer de reprendre mes esprits et de parler un petit peu mieux avec le rallye de Turquie actuellement. En WRC, bien sûr, et c'est la dernière journée aujourd'hui, 2 semaines après la reprise tant attendue en Estonie. Le WRC a mis donc le cap sur la Turquie. Et bien, le favori est une nouvelle fois Otak Tanak. Mais attention, puisque Sébastien Ogier, leader du championnat avec 9 points d'avance sur son coéquipier Elfyn Evans, va vouloir bien sûr distancer son rival à la quête d'une 7e couronne mondiale. La dernière spéciale, la Power Stage, débutera à 12h18. Voilà. Et la dernière étape, la dernière spéciale, la 11e étape, celle d'hier, a été remportée par Thierry Neuville devant Evans. Dans les actualités sportives également, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le flash de la rédaction, la défaite de Nadal lors du Master 1000 de Rome à quelques semaines de Roland-Garros, c'est une inquiétude. On verra cela avec les premiers matchs que pourra disputer Rafael Nadal. Il s'est incliné face à Diego Schwartzmann, qui est quand même 15e mondial, 2-7 seulement, 6-2, 7-5. Voilà, il aurait fallu un Rafael Nadal un petit peu plus performant pour battre le Majorquin. Voilà, ça va aller. Je vais c'est catastrophique, j'ai un peu de mal, hein. Ça va le faire pour ces actus du sport. Je vais y arriver, oui, je vais y arriver. Je termine avec quoi est-ce que je peux terminer? Eh bien, je termine avec le football, puisqu'il faut quand même parler du football. Je vous parlerai aussi du rugby, très rapidement. Le football avec une victoire, une défaite de Rennes. Aujourd'hui, face à Monaco. Monaco qui gagne lors de la 4e journée de Ligue 1. En football, donc 2-1 contre Rennes. Les Rennes remontent à la première place et sont toujours invaincus. Non, c'est l'inverse du coup. Je dis n'importe quoi, dis donc. Mais qu'est-ce que je lis? Donc, je reprends. En Ligue 1, victoire de Rennes face à Monaco hier lors de la 4e journée de Ligue 1. 2-1 face donc à Monaco, les Rennais qui remontent à la première place et qui sont toujours invaincus depuis la reprise du championnat. Lens fait un bon classement après sa victoire face à Bordeaux 2-1 et monte provisoirement sur le podium de cette même Ligue 1. On termine donc avec le rugby en Coupe d'Europe, le Racing 92 bat Clermont 36-27 et recevra les Saracens en demi-finale. Voilà pour ces actus sportives. Très très très très très très chaotique. Les actus du média, du média, bien sûr. Les actus des médias le seront beaucoup moins. Il reste 10 minutes à passer ensemble. Je vous parlerai notamment du journal de 13h de TF1 et de celui de France 2 avec des grandes turbulences. Je vous explique tout, même si vous en avez très certainement déjà entendu parler. Radio Antigone Mudi arrive dans 10 minutes avec le radio journal. Ça sera juste après cette case du week-end. Donc voici Kaigo tout de suite avec Tina Turner. What's love got to do sur Radio Antigone. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl. Opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? We'll be right back. getting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do it? Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do it? What's love but a second-hand emotion? Turner et Kaigo, que c'est bon ce titre. C'était What's Love Got To Do With It sur Radio Antigone. 11h54, merci d'être avec nous dans les dernières minutes de cette case du week-end. Radio Antigone, la case des médias. Tous les week-ends, nous parlons de médias deux fois par jour, c'est-à-dire 4 rendez-vous médias, puisqu'il y a 2 émissions par week-end. Et j'ai décidé de vous parler de Jean-Pierre Pernaut. Oui, Jean-Pierre Pernaut, qui a annoncé, alors il devait pas l'annoncer hein, là, mais il a annoncé qu'il allait quitter à la fin de l'année la présentation du journal de 13h qu'il présente depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans. Une annonce qui ne devait pas être faite tout de suite. Une journaliste du Figaro a eu l'information et l'a donc dévoilé. TF1 qui a été contraint d'annoncer à la va-vite hein, ce départ. Un jour plus tard, eh bien, qu'est-ce qu'on apprend ? On a le nom du remplaçant de Jean-Pierre Pernaut. Et ce remplaçant ne sera ni plus ni moins que le présentateur, même la présentatrice du journal de 13h de France 2, la présentatrice actuelle. Marie-Sophie Lacaro, qui prendra donc le relais de Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, qui est avec qui elle est en concurrence depuis sa titularisation il y a quelques années à la tête du journal de 13h, donc de France 2, annonce donc ce jeudi soir et elle n'est plus à l'antenne depuis, hein, elle a dû déposer sa démission et c'est pour l'instant Nathalie de Raxin qui la remplace. Elle n'a pas pu faire ses adieux. Et donc nous retrouverons dès janvier prochain Marie-Sophie Lacaro à la tête du journal de 13h de TF1, journal qui ne devrait pas changer de ligne éditoriale, donc toujours aussi centré sur les régions, voilà, avec toujours les mêmes reportages. On verra si le journal arrive à tenir malgré ce changement de présentateur, puisque c'est un des grands défis de la chaîne, réussir à faire tenir ce journal avec un autre présentateur. Voici un tout autre sujet maintenant. On part sur France 2 avec, à partir du samedi 3 octobre, un nouveau divertissement nommé Spectaculaire, le spectacle de tous les spectacles, un divertissement exceptionnel pour toute la famille, avec les 12 meilleurs numéros visuels du moment, issus de toutes les disciplines du spectacle vivant. Cette nouvelle émission va réunir sur scène des artistes prodigieux venus du monde entier. Vous aurez de la magie, des numéros aériens, de la danse acrobatique, du main à main, du chant, de la musique hall. Tous les arts de la scène seront représentés s'ils sont bien sûr spectaculaires. Cette nouvelle émission sera présentée par Jean-Marc Généreux, qui sera donc le maître de cérémonie. Il recevra pour cette première émission le 3 octobre 4 artistes, Marie-Claude Pietragala, la danseuse, Louane, Marc Pokora et Amir, enchanteur, qui livreront chacun une performance conçue spécialement pour l'émission. Sachez également qu'en fin d'émission, le public présent dans la salle décernera un prix spécial du public et un coup de cœur donc, qui recevra le trophée spectaculaire. Une nouvelle émission produite par Kiesko et ITV Studio France à retrouver donc sur France 2 à partir du samedi 3 octobre à 21h05. Fais pas ci, fais pas ça, reviens après 3 ans d'absence, les familles Le Pic et Boulet au grand complet vous prépare une surprise, un film de Noël exceptionnel qui va se tourner, qui est en cours de tournage actuellement. Les personnages seront de retour pour un dernier numéro exceptionnel après donc 3 ans d'absence. À noter la participation exceptionnelle d'Isabelle Nanty et de Cécile Roba. Voilà, voilà, je vous laisse la surprise du synopsis, hein. Je préfère ne rien vous dire, les tournages sont en cours aujourd'hui, hier et aujourd'hui en région parisienne, production d'Éléphant Story. Il faut maintenant parler des audiences radio qui sont sorties, les audiences radio de cet été, et à noter les excellentes performances de France Inter qui perd quelques auditeurs mais qui reste tout de même première radio de France avec des excellentes performances sur tous les programmes spécial été. Voilà, France Info continue sa petite montée et maintenant troisième radio derrière RTL. Toujours très peu d'auditeurs pour Virgin Radio qui a du mal à revenir. On verra hein, si depuis la rentrée avec l'arrivée d'une nouvelle matinale et Manu Payet, les audiences remontent. En tout cas pour les audiences été, c'est un petit peu compliqué pour la radio du groupe Lagardère. Voilà pour ces actus des médias qui reviennent dès samedi prochain. Bien sûr, mais oui, on continuera de parler de médias, bien sûr, parce que j'adore ça, donc je ne vais pas m'en priver. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et oui, nous allons déjà nous quitter. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, dès samedi 10h pour une nouvelle case du week-end avec un programme toujours aussi intéressant, de la très très bonne musique, des classiques, de la musique internationale ainsi que des musiques actuelles. Vous allez voir, il y a plein de titres qui vont encore sortir, qui sont sortis vendredi. J'ai plein de titres à vous diffuser. Les actus des médias, je ne doute pas qu'elles soient bien fournies, les actus du numérique. Voilà, l'économie, je pense qu'on n'a pas fini hein, avec cette épidémie de Covid-19. On va avoir plein de sujets à évoquer dans cette émission. Moi, je vous laisse avec Radio Antigone, midi et son radio journal. Quelle heure est-il? Eh bien, il est pile midi, tiens. Alors, je n'ai pas le jingle, donc je vais continuer à parler et à préparer le radio journal, puisqu'aujourd'hui, c'est moi qui dois le préparer. Ce qui m'arrange pas du tout, même si j'ai juste à mettre un truc dans la machine, mais il faut le faire, voilà. Encore faut-il le faire, trouver le temps de le faire quand on a une émission à animer. C'est toujours un petit peu compliqué. Alors, je vais trouver, peut-être que ça va se faire. Je vais y arriver. Voilà, d'habitude, c'est le patron de la radio qui le prépare. Je vais faire durer un petit peu plus l'émission. Voilà, quelques secondes en plus dans cette émission. Journal 1, voilà. C'est là, on enregistre ça. Voilà, on prépare le top horaire. Voilà. Ah mais oui, j'avais oublié qu'il fallait que je prépare le Radio Antigone Midi. Voilà. Ah bah oui, mais j'ai pas payé pour ça. Je ne suis pas payé pour ça et je n'ai pas signé pour ça. Non, mais ça fait plaisir de le préparer. Le journal tout de suite, midi 1. Tous les podcasts de Radio Antigone Tour sont à retrouver sur tour.radioantigone.com.